entrée sans payer, l'émission mensuelle sur la gratuité et la culture libre. Et ça se passe où ? Radio Balade 101.8. Magasin gratuit. Je prends ce que je veux et c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. C'est gratuit. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans l'émission Entrée sans payer. Une émission entièrement consacrée à la gratuité et à la culture libre. Ça se passe sur Radio Balade. Et on remercie toute l'équipe de nous accueillir aussi chaleureusement. Donc aujourd'hui, on va parler d'une manière toute simple de refaire le monde avec, on va dire, environ 2-3 mètres carrés de son petit bout de chez soi. Une manière toute simple, économe et qui pourra vous apporter énormément. Donc, on va parler des réseaux d'hospitalité. Alors, Kezako, les réseaux d'hospitalité. Vous avez sûrement entendu parler des plateformes qui sont à la base de ces réseaux, comme BeWelcome. C'est des plateformes internet qui permettent à des personnes d'échanger ou, disons, de partager gratuitement de l'hébergement. Et on va faire des petites précisions techniques, on va dire, hein, pour essayer de bien cerner ce qu'on entend par réseau d'hospitalité. Il ne s'agit pas seulement donc de partager de l'information sur de l'hébergement gratuit. Bon, il existe aussi des plateformes dédiées à cet effet, on pourra en parler à une autre occasion. Donc c'est vraiment des réseaux d'échange où on va donc partager de l'hébergement gratuitement. Donc comment fonctionnent ces réseaux? Qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qui les différencie, on va dire, d'hébergement, de structures d'hébergement qui peuvent être, par exemple, de l'hébergement d'urgence, de l'hébergement caritatif. Alors déjà, la première caractéristique, c'est que c'est de l'hébergement gratuit. Hein. Donc, on peut exclure d'emblée tout ce qui est Airbnb ou des choses comme ça. Ce sont des réseaux ouverts, tout le monde peut entrer, il n'y a pas de limite à l'entrée. Voilà, c'est pas besoin d'être forcément sans argent. Et enfin, ça a des caractéristiques de réseau. Donc la base, on va dire, de ces réseaux d'hospitalité, ça reste l'hébergement. Donc, l'hébergement, hein, qu'on pourrait définir grosso modo comme le fait de pouvoir dormir quelque part à l'abri. Bon, hein, pour rester simple. Et d'ailleurs, je pense que c'est un point important parce que globalement... cette idée de simplicité dans l'hébergement est un peu assez fondamentale dans ces réseaux. Hein. On ne va pas forcément avoir de l'hébergement grand luxe, parfois si, parfois non, c'est variable. Donc ce qui caractérise l'échange dans ces réseaux d'hospitalité, d'abord c'est que c'est des échanges volontaires. On échange si on veut, ou enfin on héberge quelqu'un si on veut, on va chez quelqu'un si on veut, voilà, on n'a pas aucune obligation. Deuxième point intéressant, c'est qu'on peut prendre de l'hébergement, donner de l'hébergement sans nécessairement en recevoir. Donc c'est l'échange qu'on pourrait appeler non conditionnel, sans obligation de retour. Ensuite, on peut changer on peut alterner entre être hébergeur ou invité. Donc ça, c'est quelque chose qui revient... C'est une possibilité qui est laissée, hein. On peut soit être un hôte, soit un invité. Mais on pourrait dire que le sens de l'échange est un peu indéterminé. C'est-à-dire on ne sait pas vraiment qui apporte de la valeur à l'autre. Enfin, je dirais plutôt que la valeur va dans les deux sens. À la fois, on est content d'accueillir quelqu'un et à la fois, on est content d'être hébergé. Voilà. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas. Il y a à la fois des plus-values dans les deux sens, et évidemment, il y a aussi des coûts dans les deux sens. Donc, le fait que ça soit un échange gratuit va un peu casser cette idée que, ah bah, en tant que propriétaire, en tant que. C'est moi qui vais être pénalisé en offrant mon logement à quelqu'un. Comme si j'allais lui faire un cadeau, quoi. Alors, ce qui ne veut pas dire que ça ne soit pas un cadeau, mais l'idée c'est que c'est un cadeau dans les deux sens, quoi. Voilà, donc ça c'est un point important. Alors, un dernier point quand même, les réseaux d'hospitalité, on est sur fondamentalement sur quand même on reste quand même sur de l'appropriation privée, hein, c'est-à-dire bon, bien que ça puisse être des logements collectifs. L'idée, c'est y a quand même à un moment donné le pouvoir, un pouvoir d'exclusion d'usage sur un logement, quoi, enfin sur un endroit où on peut dormir. Voilà, bon, alors j'ai commencé par ces précisions très formelles, parce que ça me paraissait important de bien situer les réseaux d'hospitalité. Donc voilà, hein, en gros, je dirais qu'il y a trois. Pour résumer, je dirais qu'il y a trois points importants. Donc c'est gratuit, on est sur des choses totalement non contraintes. Alors, pas totalement, parce que au-delà. Donc il y a certes une absence d'obligation dans l'échange, mais par contre, il y a des règles à respecter, des obligations au moment de l'échange, quoi. Voilà, entre l'hôte et l'invité. Il y a aussi donc cet aspect ouvert, hein, ce sont des réseaux qui sont ouverts à tout le monde, sans condition de revenu, par exemple. Et enfin, donc, c'est. Bah, par définition, donc ce sont des réseaux, donc avec cette idée d'être quand même dans des structures qui sont très décentralisées, donc qui s'appuient pour que cette décentralisation soit possible, qui s'appuie sur la propriété privée, hein, ou en grande partie. Et qui par contre vont être plutôt centralisés au niveau de l'échange d'informations. Voilà. Alors pour en parler, pour essayer de comprendre ce que sont ces réseaux d'hospitalité, ben, j'ai tout simplement réalisé une interview chez des personnes qui pratiquent régulièrement et qui m'ont ces réseaux d'hospitalité et qui m'ont invité donc chez eux à dormir plusieurs fois et je ne saurais dire à quel point l'ambiance était cool, décontractée dans cette expérience de réseau d'hospitalité et à quel point c'est enrichissant de pouvoir avoir ce type de relation simple, conviviale, voilà. Comment vous avez commencé, c'était au cours du voyage, comment vous avez eu connaissance de cette possibilité d'être hébergé Je pense que c'est Elise qui en a entendu parler pour la première fois. Ouais, je pense que je devais chercher des trucs sur internet, comme toujours, avec beaucoup d'insistance en essayant de voir toutes possibilités, et que j'ai dû tomber dessus à cette occasion. C'était Couchsurfing à l'époque. Je pense que c'était l'époque où Couchsurfing montait un peu, d'accord, et où c'était encore une association, tweet, etc. Et nous, on voyageait. Donc, c'était pour chercher une manière, nous, d'être hébergés, à la fois gratuitement, parce qu'il y avait un truc sur le voyage qui coûte pas trop cher, donc on avait besoin, et à la fois chez les gens. C'était un impératif économique à ce moment-là, ou enfin, vous aviez besoin de pouvoir le faire ou pas. Bah, ou pas disons, sans... besoin c'est toujours relatif, mais en tout cas, on aimait bien voyager et découvrir des trucs et on n'avait pas d'argent, donc... D'accord, ouais. Après, on aurait pu renoncer, rester chez nous, voyager moins, enfin... Mais ouais, quand même, c'est ça qui permettait d'aller à plein d'endroits. Mais je pense qu'on était aussi déjà dans une démarche où on avait envie de rencontrer vraiment les gens quand on voyageait, et c'est pas si évident. Parce que je pense que c'était après notre expérience de volontariat en Afrique. Hein. On a été volontaire pendant un an en Afrique de l'Ouest. D'accord. Et je crois que ça a été un gros déclic sur qu'est-ce que ça veut dire voyager, qu'est-ce que ça fait le tourisme et l'industrie touristique. Et ouais. En fait, on ne veut pas vraiment être dans ces cases-là, parce que si on veut rencontrer les gens, ça ne va pas marcher. Et même dans l'humanitaire, c'était difficile de rencontrer du monde ou... Alors, en tant que volontaire, quand on était vraiment dans la ville où on travaillait, il n'y avait pas de problème pour rencontrer des gens, parce qu'on était intégrés à la vie. Ouais. Mais dès qu'on bougeait pour voir les trucs autour... En fait, c'était pas non plus si évident, tu vois. Donc, quand t'es français en Afrique de l'Ouest, bah déjà t'es blanc, quoi, ça se voit, donc ça va pas être discret au moment où t'es repéré comme la personne qui a de l'argent, comme une source de revenus pour les gens, ce qui est vrai. C'est-à-dire, on arrive, en tout cas théoriquement, la plupart du temps, on arrive avec un niveau de vie, des revenus et des sommes d'argent qui n'ont rien à voir avec ce que les gens sur place pourraient gagner autrement. Donc, ça change le rapport entre les gens et nous. Et de fait, c'est un contexte tellement extrême, quoi. C'est pas possible de pas se rendre compte que le tourisme, il essaye de nous faire cracher de l'argent en achetant des trucs. Et le voyage où on rencontre des gens, bah, c'est autre chose. Vraiment, les deux tirent dans des directions hyper différentes. Donc, c'était un gros moment de prise de conscience à partir duquel ça a modifié la manière partout, quoi. T'as vraiment ressenti une antinomie entre le fait de pouvoir découvrir quelque chose à travers l'hospital, enfin voilà, l'accueil. Je pense qu'il y avait un truc très clair en Afrique de l'Ouest qui était qu'on n'était pas du tout sur un pied d'égalité. Et que, d'accord. C'est un truc que ça nous a accompagné pendant toute l'année. On se rendait compte qu'on était vus comme les gens qui avaient des sous. Et de fait, on en avait plus, même si on en avait vraiment pas tant que ça. C'était un peu à moitié vrai, à moitié faux, quoi. Mais en tout cas, dans l'image, quand on arrivait comme ça, en étant blanc avec des sacs à dos. Du coup, ça rendait tous les rapports qu'on essayait de nouer compliqués, et pour des bonnes raisons, par ailleurs. Pour des raisons structurelles. Mais du coup, je pense qu'à ce moment-là, on se disait, ok, les différences économiques font un truc, ça devient vraiment compliqué de voir un rapport. Ouais. Du coup, quelque chose qui se joue autour de la gratuité. Est-ce que c'est commercial ou pas, en fait? Est-ce qu'on donne de l'argent ou pas? Si on élimine le facteur argent, on va réussir à faire autre chose, à se rencontrer sur un autre plan. En fait, notre première expérience d'être hébergés ensemble, c'était à Chicago. Chicago, ouais. Tout à fait. Et donc, du coup, dans un contexte où le niveau de vie se posait moins. Non, mais c'est très bien, ça fait partie du... De fait, à Chicago, c'était une très très chouette expérience. Je pense que c'était notre première expérience hors Afrique. Hein, parce qu'on a... Oui. On a été hébergés en Afrique aussi. C'était en retournant pour voyager. Oui, donc notre toute première expérience couchsurfing, c'était à Chicago. Et du coup, on débarque, on sait pas trop à quoi s'attendre, il fait nuit et tout, et en gros, il y avait quelqu'un qui nous dit « Ah ouais, bienvenue, super, bah, posez vos affaires, comme chez vous, voilà les clés. » Mais vraiment au dernier moment, quoi, en mode miraculeux. Ouais, et moi je vais prendre un verre au bar en bas, bah, vous me retrouvez quand vous êtes posé et tout. Et en fait, on s'est dit, ok, on est chez quelqu'un qui vient nous laisser dans son appart, tout seul, avec ses clés, on se connaît depuis 3 minutes. Et en fait, on s'est dit qu'il se passait un truc vraiment, je sais pas, comme geste de confiance. Ouais. En fait, il se passait un truc un peu fort, et que du coup, ça donnait envie de refaire la même chose. Quoi. Ouais, d'accord. Ça a posé quelque chose, je pense, dans notre volonté d'héberger après. Oui. Qui était assez fort. On avait bien galéré pour trouver un hébergement. Hein. C'était vraiment le soir même qu'elle nous a répondu, alors que tout le monde était indispo. Il y a le site là pour le coup. Donc il y avait un passage de bon, bah on va rien trouver, c'est pas grave, on va se choper une auberge de jeunesse hyper loin. À... Hop. Tout à coup, une personne super sympa. J'ai habité dans un loft. Un truc par ailleurs, tu sais, la grande terrasse sur les toits et tout. Tout était un peu surréaliste dans cette affaire. Donc ça a été la première expérience, quoi. Ouais. Ouais. Et alors, c'était il y a combien de temps, du coup? Il y a... C'était... 2009. Ouais. Et après, ça s'est reproduit ou... Enfin, vous avez eu d'autres occasions? Après, on a à la fois été hébergés... je saurais pas dire combien de fois. Vraiment, souvent... on a souvent privilégié ça au moment où on voyageait. Ouais. Et nous aussi, on a décidé d'héberger. D'accord. À partir du moment où on est rentré. En fait, c'était d'abord moi toute seule. Ce qui se passait à Chicago, c'est que Pierre, il était en semestre d'échange. Donc j'étais venue lui rendre visite et on faisait ce voyage ensemble. On allait jusqu'à Chicago. Après ça, je suis rentrée à Paris et j'ai hébergé directement dans la petite chambre que j'avais. Donc j'ai hébergé les gens dans ma petite chambre qui devait faire 7 mètres carrés et demi, incluant une douche et un coin cuisine. Et en fait, les gens étaient hyper, hyper contents, quoi. J'ai reçu une fille qui venait de Corée, qui faisait le tour du monde, ce qui apparemment était hyper, hyper mal vu, même pour une femme en Corée, au lieu de, je sais pas, bosser à fond et se marier, quoi. Et on a partagé du temps de manière hyper agréable. J'ai hébergé une autre fille qui venait pour un entretien d'embauche pour un job d'été. C'était sympa, on a bien parlé, ça a été mon job d'été de l'année d'après. Parce que ça avait l'air chouette. Je crois que c'était chouette aussi, par contre, qu'on pouvait être utile en ayant une micro-chambre de bonne, vraiment minuscule, et juste en mettant une espèce de tapis de sol par terre et en disant, bah oui, en fait, on peut dormir à deux pendant quelques jours et ça rend service à quelqu'un. C'était chouette aussi. Sans que finalement ça coûte grand chose, quoi. Enfin, sans que finalement ça coûte. C'est même agréable. Oui. Mais je crois que pour moi, ça reste. Aujourd'hui, ça reste un critère. Genre, une raison pour laquelle j'ai envie d'héberger des gens, c'est j'ai pas envie que cette grande ville, là, à Paris, ce soit qu'un truc où on peut venir si on a de la thune, ou si on vient, on va faire que payer. Ça m'est arrivé de dire oui à des gens en leur disant, écoute, je vais vraiment pas être là, on va quasi pas se voir, on va juste se croiser. Le facteur rencontre va pas être là, mais si t'as aucune autre personne pour t'héberger, bah ouais, viens. Au moins déjà, ça fera un hébergement gratuit, et je trouve que quand je fais ça, c'est déjà un effet sur le monde. Et avoir une possibilité d'hébergement gratuit, ça vaut déjà la peine. Du coup, je crois que c'est resté un peu comme ça. Ça fait aussi partie de tes motivations, quoi. Ouais, même des fois où je peux pas. Je sais que j'ai vraiment pas le temps. Je préviens les gens parce que je veux pas les décevoir. Mais rien que ça, je trouve que c'est déjà bien. Alors quand tu dis décevoir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des attentes aussi de la part des invités. Ouais, je crois. Souvent, ils sont quand même contents de passer du temps, du temps avec les autres, de rencontrer du monde. Quand c'est des voyageurs internationaux, il y a souvent une dimension un peu interculturelle. Alors, comment on vit quand on est à Paris ou quand on est en France ou... Comment c'est la nourriture ou je sais pas. Une envie de rencontre, en tout cas. Oui, bien sûr. Comme un peu, finalement, dans ce que vous avez vécu au début, finalement, ça raconte un peu les deux, quoi. À la fois, cet hébergement providentiel à Chicago et... Et aussi cette envie de rencontrer du monde autrement, quoi. Sans passer par l'argent, quoi. Alors c'est vrai que moi je trouve que c'est peut-être un truc qui est difficile à faire entendre, c'est cet aspect réciprocité, quoi. Horizontalité. Pourtant j'ai l'impression que ça marche, hein. J'ai l'impression que dans les réseaux d'hospitalité, il y a des gens qui voyagent plus, il y a des gens qui hébergent plus, il y a des gens qui font les deux. Oui. Oui, tout à fait, t'as raison. Non, je voulais dire à faire entendre à des personnes qui connaissent pas, voilà, cette idée que finalement tu peux te retrouver un jour aussi que ce soit le cas ou pas en pratique, mais qu'au moins tu laisses la possibilité de te retrouver à la fois hébergeur ou Oui, j'ai l'impression que la question revient quand on parle de ça à des gens qui connaissent pas. Rapidement, ils vont dire, mais comment on fait pour être sûr que les gens n'en profitent pas, quoi, deviennent pas des profiteurs. Non, mais tout le monde va vouloir aller être hébergé gratos et jamais va vouloir héberger. Dans la pratique, c'est pas vrai, quoi. On est bien d'accord. C'est pas ça qui se passe. Même sur Paris, vous êtes pas. Est-ce que ça a pas tendance à s'inverser un peu, tu vois, peut-être qu'il y ait beaucoup de demandes, quoi, je veux dire. Au moment où. C'est-à-dire, quand on était sur Couchsurfing, où il y a quand même plus de fréquentation que sur Be Welcome. Oui. Il y a un moment où j'ai senti une forme de pression, et où du coup, effectivement, je me mettais, je ne sais plus ce que c'était le critère où on ne m'était pas tout à fait disponible, mais vous pouvez peut-être me demander, mais je ne suis pas trop disponible. C'était peut-être, oui, ça devait être maybe. Et ça avait rééquilibré les choses, ça suffisait à équilibrer. D'accord. Et on a quitté Couchsurfing au moment où c'est devenu une for-profit organization. Ok. Et à partir du moment où on est passé sur Be Welcome, qui est quand même un réseau avec moins de fréquentation, ça s'est recalmé aussi. D'accord. Je pense que moi, sur Couchsurfing, c'est un truc... Enfin, au début, vraiment, quand on découvrait tout ça, c'est un truc qui me parlait pas mal, le fait qu'il n'y ait pas de réciprocité comptable et organisée. Quoi. Oui. L'idée, c'était qu'il n'y a pas de contrôle. Qu'en fait, je sais pas, ça marche... Oui, si ça marche dans les deux sens, c'est bien. En fait, il y a des gens qui sont plus contents d'héberger et d'autres plus de voyager, en fait. Aussi, ça marche aussi, en tout cas, on va pas tenir des comptes. Mais je crois qu'il y avait vraiment un truc qui me semblait faire partie de l'idée, et je sais pas trop pourquoi, mais peut-être pareil pour ces expériences d'Afrique de l'Ouest où on se disait qu'il y avait eu beaucoup de ah, je te fais un cadeau, tu m'en fais un, mais quand même, on s'attend à ce qu'une force de réciprocité assez marquée. Et que là, c'était. Et qu'en fait, évidemment, ça marche très bien. En fait, il y a des tas de gens qui n'ont pas envie de voyager ou peur de voyager. Moi, j'ai entendu des gens me dire, j'aurais peur d'être hébergé chez quelqu'un. Genre, j'ai pas encore franchi le pas parce que je sais pas, je serais totalement dépendante de cette personne, mais je suis hyper contente d'héberger. Et comme ça, le monde défile chez moi, c'est très bien. Oh ouais, bien sûr. Bah oui, il y a aussi un aspect sympathique, quoi. Enfin, à héberger, à accueillir du monde, quoi. Ouais. Oui, c'est clair. On voit le monde défiler, effectivement. Ouais. On avait eu une chouette expérience avec une personne qui venait de Chine, qui est passée juste un soir, un moment où on n'avait pas beaucoup de temps, et qui repart... Nous, on repartait hyper tôt le lendemain matin. Mais c'était juste pour une nuit, enfin, on savait qu'on n'allait pas beaucoup se croiser, quoi. Et du coup, en fait, on a quand même discuté un peu, et elle nous a dit que ce qu'elle faisait pour les gens chez qui elle était hébergée, je crois qu'elle voyageait quand même pour pas mal de temps, et que ce qu'elle faisait pour les gens chez qui elle était hébergée, c'était de partager le thé avec eux. Et que du coup, elle avait apporté un petit nécessaire à thé et des feuilles et tout et tout. La cérémonie du thé. Voilà. Et on lui a dit, bah oui, bah, peut-être, mais c'est plutôt le matin et nous, on va vraiment partir. Enfin, on doit partir à 6h du mat, donc ça devait à 5h. Bon, je sais pas si on aura beaucoup de temps. Elle a dit, eh ben ok, en fait, je me lève à 5h avec vous et on fait le truc. Et du coup, on s'est retrouvé à 5h du matin dans la cuisine, les amis autour et tout, à faire la cérémonie du thé avec les petites coupelles et tout, c'était hyper calme. Ouais. C'était vraiment un chouette partage, quoi. J'en ai un souvenir assez fort encore aujourd'hui. Moi aussi. Notamment parce qu'on était moins. Oui, on n'était pas dans un partage, je sais pas, d'objets ou de nourriture qui sont déjà des trucs très chouettes. Oui. Mais vraiment dans. Je sais pas, dans un moment où. Ça fonctionnait vraiment bien. Ben... C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est, enfin, qui est intéressant, c'est que ça, souvent ça dépasse, ça va au-delà du simple hébergement en fait, quoi. D'ailleurs, ça peut même être simplement des rencontres, quoi. Enfin, Je pense que les gens qui répondent, je sais pas, quelques heures avant alors qu'on est vraiment en rade, pareil, ça fait quand même une impression un peu marquante, je pense, par soulagement du coup, mais. On est allé à Amsterdam une fois, pareil, en espérant plutôt trouver des choses sur c'était déjà BeWelcome à l'époque, mais on avait gardé nos comptes Couchsurfing en se disant peut-être quand même, et on n'avait rien trouvé, tout était plein, et par ailleurs les hébergements classiques étaient pleins aussi. Oui, puis ce qui restait a été un peu cher. Ouais. Et c'était quand même un voyage qu'on a fait l'aller-retour en stop, quoi. Enfin, vraiment, on n'avait D'accord. pas trop de plus à ce moment-là. Et ouais, à 6h du soir, finalement, il y a quelqu'un qui nous répond en disant, ouais, bon, du coup, je vis dans un squat et les autres n'aiment pas quand il y a trop de gens non plus qui passent parce que, ah, bon, voilà, mais honnêtement, si vous êtes en rade, venez, quoi. Du coup, on y allait, c'était ouais, un petit peu à l'extérieur d'Amsterdam, ouais, une usine abandonnée. Et du coup, là-bas, ils ont des lois sur le squat qui apparemment sont beaucoup plus raisonnables. Et du coup, ça veut dire que bon, bah, si un local est inoccupé, très bien, au bout de 24 heures que tu y es, D'accord. c'est bon, on fiche la paix. Et donc, du coup, ils vivaient là avec quelques autres personnes. Et ouais, c'était à la fois un chouette moment sur le coup, et aussi, bon, en fait, ça tombait aussi au bon moment, quoi. Enfin, c'était vraiment le point nommé. Ça a fait quelque chose à ce voyage qui était chouette. C'était aussi un peu une expérience d'altérité, hein, avec des gens qui fumaient du shit beaucoup et non rien. Enfin, c'est un point quand même à Amsterdam où il y a des gens qui sont là pour fumer et ça change vraiment le truc. Mais c'était hyper complémentaire. Je me souviens qu'on avait visité dans la journée ce musée Van Gogh qui était chouette. On était tombé à un moment où ils organisaient des trucs. Il y avait un atelier de peinture. On est passé devant. Ils nous ont dit allez, rentrez. On a peint des toiles en buvant, en faisant une dégustation d'absinthe. Tout ça était gratuit, je sais pas ce que ça fait comme fait culturel là-bas, mais c'était vraiment hyper chouette. Et en sortant de ce musée, de retourner dans le squat, dans l'usine désaffectée, c'est hyper drôle. Ça a équilibré les choses d'une manière comme ça assez intéressante. C'est pas assez dans ce milieu, quoi. Ouais. Une série d'expériences inattendues. Mmh. Et très différentes les unes des autres. Ah ouais, c'est C'est marrant, parce que du coup, c'est, dans ce que vous dites, moi ça donne l'impression qu'il y a toujours quand même cette notion d'imprévu, quoi. Enfin, t'as aussi bien, d'un coup, paf, t'as une super surprise, ça te tombe dessus, et aussi tu rencontres des personnes imprévues, quoi, quelque part. Ouais. Je pense que c'est pas complètement ce qu'on cherchait par ailleurs, on a plutôt tendance à planifier les choses, oui. Autant que possible, vraiment, à chercher des hébergements à l'avance, plutôt à se dire, ok, c'est bon, on sait où on crèche, ici, là, tel soir. Oui, c'est normal, ouais, quand on voyage. Et cela dit, c'est vrai qu'on a du mal à être dans l'imprévu. Il y a des gens qui se disent, on verra bien combien de temps je reste dans cette ville, on verra bien où je vais après. Mm-hmm. Nous, moi, plutôt... souvent, quand j'ai un voyage, je me dis, non, mais je voudrais tellement voir ça. Non, mais je vais pas planifier, et tu parles, en fait. En fait, j'ai prévu déjà suffisamment de trucs pour tout remplir, donc c'est planifié, quoi. Ouais. Je sais pas, on voyage pas mal par train. Enfin, en tout cas, il y a eu un moment, on a plus souvent voyagé par train qu'en stop, par exemple. Donc ça veut dire, ok, il faut prendre des billets parfois à l'avance. Donc bon, on a un truc un peu plus planifié. D'accord. Mais c'est vrai que les souvenirs marquants, c'est un peu des souvenirs d'imprévu, je pense, justement, parce que, je sais pas, il y a en Italie la personne qui nous héberge à Ancône et qui nous dit, ouais, en fait, c'est la soirée du Nouvel An, venez, allez. On va se faire la soirée du Nouvel An ensemble avec plein de potes. Très bien, ok. Pas prévu. Ou le type à Venise qui avait l'air vraiment chelou et qui du coup avait l'air de dire ouais, moi j'héberge les gens. Il y a beaucoup plus de gens qui veulent être hébergés à Venise que, j'imagine, que d'autres. Quoi. Et donc du coup on avait contacté 2-3 autres qui disaient ouais non je suis pas là, des autres ça va pas être possible. Et il y avait ce type là qui vraiment avait l'air dispo et qui vraiment avait l'air chelou. Et du coup on l'a pas contacté exprès. Résultat, il voit sur les forums qu'on est dans la ville et qu'on essaie de contacter des gens et il dit mais pourquoi vous m'avez pas contacté moi? Parce que moi je suis libre, je veux vous héberger et tout. Était du coup, on se dit bon, d'accord. Et quand même, ce qu'il faisait, c'était qu'il hébergeait les gens, mais en échange du fait qu'il organise des matchs de lutte, genre de lutte au corps, entre eux et les différentes personnes qu'il héberge. Et donc, alors, du coup... montrant, c'est-à-dire lui, il était, je sais pas s'il était moniteur ou si juste il en faisait, mais il savait d'accord. Les mouvements, les techniques et tout, donc il les montrait. Et du coup, il disait, bon, d'accord, mais... alors, du coup, ça tombe bien, parce qu'en ce moment, j'ai quelqu'un qui est comme ci, comme ça, qui fait tel gabarit, du coup, vous serez très bien. Puis il est le seul, quoi. Si j'en ai qu'un, il peut pas... Donc, j'ai besoin d'un deuxième. Ouais, oui, c'est bon. Et du coup, on y est allé, et c'était aussi bizarre que ça alors, on avait l'air. Il était pas méchant, mais franchement, il était chouette. Je me souviens de sa remarque sur tes chaussettes. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué. T'avais, je sais pas, un trou dans tes chaussettes, mais comme, je sais pas, ça nous arrive... Je sais pas comment est le reste de la Terre, mais moi ça m'arrive d'avoir un trou dans mes chaussettes et je trouve ça pas grave. Ouais. Et le mec il trouvait ça hyper grave, quoi. Je me souviens qu'il a dit à Pierre un truc dans une espèce de broken English à moitié italien. Du genre, mais t'es trop courageux de venir en montrant que t'as les chaussettes trouées, j'oserais jamais. Je me suis dit, quoi? Quel est ton mot? C'était bien, ouais. C'est le moment d'atterrir là-dessus. Oui, du coup c'est intéressant, on cherche pas l'inattendu. Mais par contre, quand il arrive, c'est vrai que ça fait des souvenirs. Mais je trouve que c'est important de le dire. C'est pour des gens qui se disent « Ah non, mais... je suis pas dans la prévue inattendue. » Nous non plus, en fait. Donc, je sais pas, moi, je me pense pas comme la grosse aventurière, ni comme la personne qui est toute chill et qui fait tout le temps des trucs inattendus et qui planifie. Enfin, cette personne n'est pas moi. Et parfois, quand je raconte mes voyages, j'ai l'impression que les gens s'imaginent ça, quoi. C'est Indiana Jones et tout, mais c'est pas vrai. Bah, en même temps, après, c'est vrai que ce qui fait aussi peut-être que finalement ça prend des formes inattendues, c'est que c'est moins standardisé, quoi, et moins, il y a moins de distance aussi que dans un accueil hôtelier où on voilà, on là, il faut tout le temps avoir hôtelier, un peu. Ouais. Il s'inscrit dans son industrie, qui a son intérêt, qui veut te faire cracher de l'argent pour dormir là, pour faire telle visite, pour faire telle autre. Voilà. Il y a peut-être des gens qui font très bien leur travail et qui sont très chouettes à rencontrer au passage, mais quand même, on voit bien que d'une certaine manière, et elle veut t'emmener dans ce sens-là, et c'est ça qui va se passer si tu résistes pas, quoi. Ouais. Et puis d'une certaine manière, quand tu vas chez quelqu'un en couch surfing, tu le vois tel qu'il est, enfin, et alors réciproquement aussi, quoi. Ouais. Enfin, il y a moins de distance, quoi. Je veux dire, c'est un peu comme le stop. Bon, tu vois, tu prends un autoscopeur, finalement, tu racontes ta vie souvent. Comme le stop. En fait, j'ai l'impression que les sites payants qui essayent de vendre aussi des expériences touristiques, fait avec un local, Vous allez voir, ça va être trop bien. Il va tellement vous faire découvrir les recoins de sa ville. Oui, oui, apparemment ça se développe. C'est seulement 160 balles par personne et tout, et il peut le faire le lundi et le jeudi. Je sais pas, je pense qu'il y a un truc. Enfin, d'une part, je suis pas fan de la monétisation croissante de tout tampon de l'activité humaine, quoi. Mais surtout, je pense que ça marche assez mal parce que, oui, au final, c'est chouette quand ça se produit juste là. Les gens disent tiens, en fait, je vais faire tel truc. Est-ce que vous voulez venir? On dit oui. Ouais. Quand ça vient spontanément, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et j'ai l'impression que si on est dans une relation de clientèle, en fait, je sais pas, on s'attend à autre chose. On est probablement déçu par plus de trucs. C'est vrai. La personne fait autre chose. Parce qu'en fait, quand on a fait casquer 150 balles à quelqu'un, on s'est obligé de fournir une prestation. Ouais, bah exactement. Une prestation qui est chouette, qui est un peu de l'entertaining. Et la vraie vie dans une ville, c'est pas de l'entertaining. Si quelqu'un me fait passer une soirée qui est que chouette et que dans l'entertaining et que trop bien, bon, probablement, j'ai pas vu sa vraie vie. C'est pas vrai. C'est comme passer une soirée avec Mickey à Euro Disney, quoi. Super, mais il fait partie du parc d'attractions, cool. Pourquoi pas, c'est une autre expérience que de vivre la ville avec les gens. Et puis aussi, c'est, d'une certaine manière, ça clientélise que dans un sens, quoi. Ouais. Enfin, bon, après, c'est aussi, bon, faire de l'accueil, il y a aussi, bon, je dirais pas que... Enfin, c'est intéressant dans les deux sens, quoi. C'est ce qui fait l'échange, peut-être, aussi, dans... Mais ça, enfin, ouais, ça peut être... Dans les réseaux d'hospitalité, quoi. Ça peut être très bien, mais ça me fait un peu penser à... Récemment, quelqu'un m'a proposé de m'offrir une espèce de massage qui vient des cérémonies rituelles du Mexique, indigène du Mexique, Chiapanec, donc d'une région où en plus nous on a des liens, ça nous arrive d'aller et tout. D'accord. Mais à Paris, monétisé par des gens. Mm-hmm. Et donc très bien, j'ai suivi le lien qu'elle m'envoie, je vais lire le descriptif, et les gens ils me disent quand même, non mais il faut pas le penser comme une station, il faut plutôt le penser comme des gens qui rituellement vous offrent une expérience, chose au machin, ça dure une après-midi, c'est 400 balles. Ouais, c'est sûr. Bon, me proposer de me l'offrir, c'est pas la question pour moi, et c'était déjà personne ensemble qui allait payer, mais en vrai, il faut pas que je le pense comme une expérience monétisée, ou comme de la consommation, ou comme une prestation, mais comme un don. Mais moi, je sais très bien comment ça marche un don, c'est quand on me demande pas 400 balles en échange. Ouais. Et du coup, c'est pas la même expérience. Il y a des gens qui font des super massages payants, parfait. Par contre, un rituel qui n'est pas une prestation, bah, c'est pas payant. Ouais. On contraint tout, on peut laisser un gros bras dans l'air. Hein. Oui, voilà, ça, bon, ouais, bien sûr. Ouais. Mais un prix affiché sur internet où il faut payer par carte bancaire avant, Ouais, pas faux. Ouais. Mais du coup, on a l'impression qu'il se passe des trucs dans une transaction financière qui par ailleurs est pas forcément mauvais ou désagréable, je sais pas, c'est bien d'avoir des trucs fiables, c'est bien de pouvoir compter dessus et tout, ça a des avantages, quoi. Que les gens puissent vivre et qu'ils maintiennent cette activité, et des fois, on peut comme ça. Par contre, il y a une forme, je sais pas, oui, d'échange et de spontanéité et justice pour le monde, et etc., etc., qui quand même vraiment marche pas, genre qu'on peut pas recréer, qu'on peut pas recréer dans le cadre d'une transaction financière. Je sais pas, oui, quand on va à Lisbonne, je sais pas, bah oui, c'est pas pareil de choisir de filer des sous à l'industrie touristique là-bas, notamment parce que, par ailleurs, avec un niveau de vie de parisien, en fait, c'est quand même beaucoup moins cher. Bon, je sais pas, j'ai l'impression que si on se fait héberger et que si on accepte d'héberger des gens, bah, du coup, les gens de Lisbonne hébergent les parisiens hébergent les gens de Lisbonne, bah, il y a une espèce de réciprocité qui se fait et qui tout d'un coup met à plat les questions de niveau de vie, quoi. Ouais. Luxe là-bas et eux, ils galèrent pour payer. Ah oui, oui, c'est une forme d'égalité, c'est ce que tu veux dire. Ouais. Hein. Alors, est-ce que quand même ça peut pas être limité, donc c'est visible. Est-ce que ça peut pas être limité par le fait que éventuellement tu peux avoir peut-être une certaine position dans le réseau ou certaines caractéristiques éventuellement individuelles, tu vois, qui peuvent te pénaliser dans ce type de réseau. Oui, ouais. Sans rapport avec là où t'habites. Ouais, sans rapport avec là où t'habites. Ouais. Oui, je pense par exemple, si t'es une fille seule, c'est plus facile que si t'es un homme seul. Par exemple, ouais. Nous, on a beaucoup voyagé à deux, et j'ai l'impression, couple, jeune, qui a l'air à peu près mignon, ça passe bien. Mais j'ai l'impression d'avoir des gens qui m'ont dit qu'en tant qu'homme, ils avaient parfois plus de mal à trouver s'ils voyageaient seuls, parce que toutes les autres qui sont des femmes, il y en a une bonne partie qui ont peur, en fait, de ce qui pourrait se passer. Et en tant que femme seule, on a moins de mal à trouver. Cela dit, des fois, on tombe sur des gens un peu lourdingues qui veulent draguer. Moi, je me rends compte, et ça m'a pas, mais je me rends compte que quand je suis seule, je sollicite plutôt des autres femmes, premier. Genre, mon réflexe, c'est plutôt une majorité de femmes. Et du coup, j'ai été hébergée bah, en majorité par des femmes. Ouais, ouais, ouais. Pas toujours, mais en majorité. Elles sont bonnes, les cartes. On informe ton émission de radio. Ah, bah, écoute, ça fait partie du. Marina, enregistrement radio, Marina. Ah, voilà. Non, mais non, aucun problème. C'est in situ, quoi. Non, il n'y a pas de problème. En fait, c'est pour parler des réseaux d'hospitalité. Ok, ah, donc, ouais. Ouais. Oh, wow. Comment refaire le monde avec les réseaux d'hospitalité? C'est ça le titre de l'émission? Non, mais pourquoi pas? On peut le décider dans l'entreprise. Ça fait une mise en abîme. Non, mais c'est. Après, ouais, voilà. Justement, est-ce que. Attends, enfin, moi je me pose la question, est-ce que ça peut vraiment avoir une portée politique même? Pourquoi pas de... Alors, c'est vrai que c'est pas trop peut-être ce qui est recherché, mais. De portée politique, tu vois, en matière de transformation sociale, quoi. D'autres façons moi, de. Que c'est politique, que ouais. La motivation d'offrir un hébergement gratuit dans une ville où il est extrêmement cher, c'est politique. Que d'offrir un hébergement gratuit à des touristes, c'est-à-dire à des gens qui sont pensés comme un sac à monnaie par tout le plan économique, c'est politique. Et que de décider de faire un voyage où on va se rencontrer le plus possible d'égal à égal, même si c'est un idéal qu'on n'atteint pas toujours, voire presque jamais, enfin, pour moi, c'est des choses qui sont politiques. C'est... Alors, ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que ça me paraît comme d'autres formes d'action par rapport à. C'est pas forcément évident de voir. La... Par rapport, tu vois, des, les, le droit au logement, enfin, le. Ouais, ça, on est sur. En même temps, est-ce que ça, il peut y avoir tout à fait une conjonction, enfin une compatibilité entre les deux, ouais, entre les deux formes d'action, mais j'ai l'impression que dans la vie, des fois, on a besoin de se battre pour le statut d'intermittent du spectacle, et des fois, on a besoin de se battre pour le droit des SDF à avoir de quoi bouffer, et les deux sont importants. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. De la même manière que le droit au logement, je trouve ça super important et beaucoup plus essentiel dans la vie des gens qui en ont besoin. N'empêche que les réseaux d'hospitalité, ça me parle. Ouais, ouais, bien sûr. Mais ça nous est arrivé d'héberger dans un contexte tout à fait différent par la team qui est la team mineure de Paris d'exil. Des moments où on avait une chambre libre, de proposer une chambre plutôt à un mineur exilé. Ouais. Qui était à la rue et qui n'était pas reconnu comme mineur pour l'instant, du coup pas pris en charge. D'accord. Effectivement, je trouve ça politique aussi, mais d'une autre manière. En fait, probablement, c'est des choses qu'on a été amené à faire parce qu'on avait l'habitude d'héberger des gens. C'est possible. Ouais. Du coup, une chose mène à une autre. Et... Ok. C'est ouais. Beaucoup plus normal de proposer une chambre, de ne pas la laisser vivre déjà. Oui, ça fait comme une fois qu'on a eu ce déblocage en se disant bah oui, pourquoi pas quoi. Enfin, ouais. Et pourquoi ne pas optimiser aussi. Je crois même que, en un sens, pour moi, c'est plus politique les réseaux d'hospitalité, au sens où c'est pas. Tu sais, c'est pas la base de la base de. Le minimum en tant qu'être humain quoi. En fait, quand on a une chambre libre et qu'on dit aux gens de Paris d'exil, ok, on peut prendre quelqu'un, c'est pré-politique pour moi, quoi. Tu sais, c'est le minimum de pas laisser mourir les gens, c'est humanitaire, ouais, c'est avant politique. Le truc politique, c'est de se battre pour qu'ils aient un vrai statut, qu'ils soient pas juste être hébergés ici et là pour pas être dehors, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un autre niveau. Voire, effectivement, ouais, peut-être aussi militer pour que. Pour qu'on reconsidère justement. L'utilisation des logements vacants d'une manière générale. Bon, mais ça, je pense peut-être le DAL, enfin, pardon, la session de relogement milite pour ça, mais c'est vrai que du coup, parce que ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça, du coup, ça reporte l'action et la responsabilité sur tout un chacun. Je sais pas si vous. Le réseau d'hospitalité. Les réseaux d'hospitalité, ouais, voilà. En se disant, bah, finalement, on peut aussi, on peut le faire, chacun peut le faire, quoi. Mais bon. Je pense que dans l'échange d'hospitalité, pour moi, il y a un truc politique en creux qui est de, je sais pas, de lutter contre la tendance croissante à essayer de monétiser toutes les relations humaines, quoi. En tout cas, de plus en plus d'aspects des relations humaines. En disant, tiens, on peut en faire une marchandise, on peut le monétiser, on peut. Ouais, tu vois cet aspect-là aussi. Ouais. Du coup, je trouve ça intéressant dans plein de trucs autour, du bénévolat ou de la gratuité ou de l'hébergement, de se dire, oui, là, en fait, on est en train de lutter contre les passions humaines. Et de fait, je sais pas, oui, Airbnb est venu après Couchsurfing. Est-ce que ça marchait bien? Et tiens, on pourrait en faire un package monétisé, quoi. Je crois que je suis plutôt content de. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une portée politique à se dire qu'on essaie de garder des formes d'échange qui ne soient pas monétisées. Et sur ce que tu disais, de chacun peut ouvrir ses portes, je trouve que sur l'échange d'hospitalité entre voyageurs, ça marche. En fait, on peut vraiment voyager comme ça. Ça peut vraiment changer le voyage. Contrairement, par exemple, à l'accueil de personnes exilées, où je trouve qu'on assure un minimum de filets pour qu'ils ne soient pas dans la rue, mais ça marche pas, c'est pas vrai. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est collectif et c'est un autre statut et c'est autre. Voilà, ouais, peut-être, du coup. Moi, ça me fait penser, habitant près de la côte méditerranéenne, tu vas en hiver, t'hallucines, quoi. Enfin, tu me commences à faire qu'il y a encore des choses dans la rue alors qu'on a des tonnes de logements. Ah non, mais c'est incroyable, c'est il y a des villes fantômes sur le bord de la Méditerranée tout le long de l'hiver, quoi. Et en été, qui sont bondés, mais. Donc est-ce que vraiment peut-être qu'il n'y a pas de vrai problème de logement, quoi, en fait. C'est plus un problème de partage, quoi. Parce que le problème de logement, c'est un problème de ressources. Oui, voilà, ouais. Un problème de distribution. Elles sont là, quoi. Ouais. Oui, et c'est là qu'on se dit, finalement, peut-être en repensant à d'autres formes d'échange, quoi, basées sur le volontariat, enfin, pas forcément une réquisition de force des logements. Ça pourrait aussi ouvrir des portes au sens propre, au sens figuré, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie. Bien sûr. Sur le rapport entre le volontariat et la réquisition. Ouais. Probablement, on ne peut pas régler l'ensemble des problèmes avec le volontariat. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont des investisseurs. C'est pas qu'ils ont un appart qui a été légué par la grand-mère, et ils savent pas quoi en faire et je sais pas quoi. C'est qu'ils l'ont acheté pour des raisons pas de défiscalisation ou autre et qu'on peut en s'emmerder. Ouais, je pense que des fois il y a des rapports de force. Du coup, on n'a pas les mêmes buts, quoi. Ouais. Alors, du coup, ça me fait penser à un truc un peu science-fiction. Imagine qu'il y aurait une sorte de couchsurfing obligatoire. C'est intéressant. Vie, obligé de proposer, tu serais obligé d'héberger quelqu'un, je sais pas, peut-être une semaine dans l'année. C'est marrant. Ouais, c'est une forme de réquisition. Au moins une semaine dans l'année. Voilà. Mais ce serait intéressant en même temps de voir ce qui se développe. Il y a une sorte de, pourquoi pas, de contribution nature, quoi, quelque part. En gros, j'ai l'impression que ce serait jamais une solution, même. Parce que les gens, ils trouveraient des pirouettes ou je sais pas quoi, mais ce serait intéressant de voir ce qui se développe. Ouais, ouais. Voire même une implication d'aller chez quelqu'un, hein, tu vois. Pour... parce que des fois, je sais pas ce que tu vas me dire à ce moment-là, mais des fois, il faut un peu se faire violence, peut-être, aussi, quelque part, pour aller vers l'autre, tu vois. Pour passer le déclic. Hein. Ouais, voilà. Il y a, bon, à la fois pour accueillir, mais aussi pour... Je suppose que peut-être ça fait un peu partie des barrières. De fait, ça change le voyage aussi, dans le sens... Tu sais, tout à coup, tu disposes pas tout à fait de ton temps de la même manière, quoi. Si, par exemple, tu voyages pour aller voir précisément tel truc, tel truc, tel truc, et que tu veux rentabiliser ton temps au maximum, oui, probablement, tu perds quelque chose en étant chez quelqu'un. On va quand même être en minimum poli, passer du temps avec la personne, etc. Mais en même temps, après, est-ce que c'est justement, ça mène pas à se réinterroger aussi sur la... plus généralement sur la finalité du voyage, quoi. Parce qu'on... Est-ce que c'est vraiment la peine d'accumuler comme ça des expériences, quoi, pour le coup Moi, c'est vrai que la culture du voyage dans laquelle on est, elle est très... je trouve qu'elle est aussi très taillée par nos nouvelles habitudes, par les réseaux sociaux, des pratiques qu'on a aujourd'hui et qui n'existaient pas avant, et qui du coup font quand même que on fait des actions dans la vie d'une façon très différente, et le voyage en fait partie, quoi. D'avoir la séance photo à tel endroit, il y a des gens pour qui ça détermine tout un voyage. Puis l'accumulation d'expériences qui sont parfois la liste d'expériences, soit proposées dans tel guide de voyage, ou même de manière beaucoup plus moins formalisée, mais dans la tête, on a l'idée qu'on veut faire ça, ça, ça, ça, ça. Et parfois, on se retrouve un peu à cocher des cases. Enfin, dans une forme atténuée, j'ai l'impression que ça nous arrive à tous. On s'est dit qu'à tel endroit, on voulait faire ça, ça, ça. On est super déçus s'il y a un truc qu'on n'a pas pu faire. Ouais, c'est vrai. En fait, on a non, mais c'est vrai, ouais, c'est... Pourquoi on est hyper déçus de ne pas avoir fait tel truc? Mais en fait, ça nous arrive. Bah oui, parce que, enfin, dans le voyage en général, aujourd'hui, par exemple, il y a... souvent on entend parler des personnes qui ont voyagé et qui disent ouais j'ai fait ça, j'ai fait tel pays, j'ai fait, et tu vois qu'est-ce que ça veut dire j'ai fait finalement, enfin... la violence de cette expression. je ne finis pas de vivre cette violence. Je crois que je me suis engueulée plusieurs fois avec ma mère en lui disant vraiment il va falloir arrêter de dire cette phrase, c'est trop dur. Je trouve dans la, tu sais, dans le contexte de notre position dans le monde, on vit en France, on a un passeport européen, on a des privilèges immenses, oui, un aussi, rapport ouais. aux autres pieds qui est ce qu'il est, bien sûr. Et je sais pas, quelque part, pour moi, ça renforce la violence de cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai fait la Thaïlande? Je veux dire, la Thaïlande, ça existe en tant que groupe politique et culturel. Oui, elle existait avant qu'on la découvre. Avec des gens, il y a des gens qui ont fait ce pays et qui le font au jour le jour et tout. Et vraiment, c'est pas nous. Ouais. Et vraiment, c'est pas les photos qu'on poste sur Instagram qui font la Thaïlande. Pas du tout. Tout à fait. C'est un peu comme Christophe Colomb qui est arrivé en Amérique, oui, et qui a dit, j'ai fait l'Amérique, quoi, j'ai vu voir. Enfin, avant, elle n'existait pas, quoi. Oui. Et en fait, c'est vraiment compliqué d'effacer comme ça. Avec un mot, et bien sûr, les gens le font pas exprès, tu vois, il y a non, pas cette volonté non. quand ils disent ça, mais cette phrase est un peu dure pour moi. Oui, oui. Bah là, oui, parce que après, là, bon, on n'est plus dans des rémunérations, marchandes, quelque part. Enfin, on va essayer de. On peut accumuler une sorte de capital des voyages et le faire valoir, mais est-ce que peut-être les réseaux d'hospitalité mènent à envisager ça autrement, parce que finalement c'est pas, je trouve, avec les réseaux d'hospitalité tu finalement tu oublies presque où tu as été, quoi. C'est enfin non, quand même c'est relié à l'endroit, mais tu te rappelles très oui, fort de la personne, quoi. Que l'expérience humaine devient tellement forte que en fait le fait qu'on ait été à tel endroit particulièrement, est-ce que ça compte tout d'un coup? Oui. C'est vrai que, en tout cas, on s'appelle que la collection, l'addition de pays différents, par exemple, a plus de sens, quoi, en tant que tel. Oui. Ah, mais là, c'était 18 pays. Ok. Il n'en reste plus que deux à faire. Le Liechtenstein. Ça va se demander si finalement c'est vraiment les raisons qu'on pourrait invoquer, tu vois, on va dire, qu'il n'y ait pas forcément davantage d'hospitalité dans la société en général, quoi. Pourrait être le manque de logement, et là on voit bien l'aspect un peu contrefactuel, quoi, parce que finalement, bon, on peut, ami, tu peux construire, admettons que tu es une maison de campagne, tu as envie d'héberger du monde, pire, tu peux construire un truc, pour vraiment pas cher, quoi. Enfin, une cabane, quoi, à limite. Hein. Est-ce que tu vois, est-ce qu'on pourrait pas imaginer aussi des. Justement, en parlant. Puisque ça passerait par des structures, pourquoi pas. Des structures qui créent, par exemple, des maisons très peu chères et qui les libèrent, entre guillemets, après, tu vois, qui en font des espaces d'hospitalité ouverts à tout le monde. Ça serait aussi. Comme des jardins libres, un peu, hein, mais... Des expériences comme ça, c'est la maison au volet rouge à Perlevade, dans le centre de la France, à côté de Tarnac. Ah oui, d'accord. Et là, du coup, il y a un collectif de gens qui ont essayé de s'organiser pour racheter... En gros, il y a tout un réseau de soutien aux exilés dans la région, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, genre c'est une région vraiment dense de France, mais en fait, il y a des réseaux de soutien. Assez fort, et du coup ils se sont organisés en collectif pour racheter des maisons dans le village, et du coup qui est en train de devenir un centre d'hébergement collectif, ouais, qui vraiment est là pour l'hospitalité. Ouais, voilà, faire finalement alors la question, je vois pas, un peu en toile de fond, c'est moi ce que ça m'inspire, les réseaux d'hospitalité, c'est pourquoi pas aussi créer des un peu comme des refuges en montagne, quoi, c'est-à-dire des lieux comme ça où finalement même à une seconde, pourquoi il n'y aurait pas davantage en ville, quoi, où on pourrait... Ouais. C'est ça, mais ça serait intéressant, un réseau, de se dire, bon, en fait, moi, j'habite dans un studio, franchement, accueillir quelqu'un, c'est compliqué. Mais je sais que je peux participer à ce réseau qui met ses logements à disposition. Je sais que quand j'ai le temps, voilà, je vais faire un petit coup de nettoyage, un petit coup de... Enfin, et d'un coup, il y a un entretien de ces espaces-là ou de la construction. Enfin, ouais, ouais. Mais sur l'hébergement studio, réseau d'hospitalité, c'est vrai que ça pose la question aussi de savoir si on héberge plus, par exemple, quand on a un petit logement ou pas. Ouais, c'est une bonne question. Genre, quel est le rapport Ouais. Il y a des espèces de croisements sur pourquoi est-ce qu'on choisit d'héberger ou pas. Enfin, en tout cas, les situations, je crois que je comprends pas trop, genre que j'observe, mais que je comprends pas complètement. Je sais pas, il y a un peu le... Il y a le fait que qu'on commence quand même à avoir une idée assez nette que loger les SDF revient beaucoup moins cher que, en gros, de les laisser sans abri dans la ville, quoi. D'accord. Enfin, collectivement, pour une collectivité, en fait, il vaut beaucoup mieux juste dire, en fait, juste on prend des logements. Et on loge les gens, et en fait, socialement, ça ira beaucoup mieux. Et du coup, tout ça sera beaucoup moins cher pour la collectivité. Ouais. Mais il y a quand même un truc où, je sais pas, en gros, on le fait pas, et on n'a pas envie de le faire, je sais pas. Alors, je sais pas quelle est l'idée derrière. Est-ce que ça serait pas juste? Est-ce que, quand même, il faut que tout le monde ait un peu la trouille de, si on n'obéit pas à son patron, quand même, peut-être qu'on perdra son boulot, on pourra pas payer son loyer, on se retrouvera à la rue. Ah, c'est vrai que ça fait partie des angoisses de fou, quoi. Ouais. Et genre, de se dire, en fait, je pourrais tomber à la rue n'importe quand, et je sais pas, et du coup, il y a une espèce d'angoisse où, après, je sais pas, parfois, quand on est très angoissé par un truc, justement, la personne qui est tombée plus bas que soi, on a vraiment des sentiments ambivalents envers elle, parce que justement, c'est la personne qu'on a peur de devenir. Et donc, du coup, si on peut lui marcher un peu sur la tête, parfois, on sent qu'il y a un peu des trucs comme ça qui jouent. Mais je sais pas, du coup, dans l'hospitalité, il y a un truc qu'on pourrait faire, et quand même, collectivement, on y va un peu à reculons, enfin, on hésite un peu. Alors que ça serait, genre, à la fois bon pour la société et avantageux économiquement. Oui. Puis je sais pas, il y a un peu ces trucs où, sur l'hébergement des exilés, où, je sais pas, depuis la guerre en Syrie, et qu'il y a plein de gens qui se sont mis à débarquer, alors à Paris, parce que moi j'habite à Paris, et qu'il y a plein de gens qui se sont dit, mais en fait on peut héberger ces gens chez nous, on voit régulièrement sur les réseaux sociaux des gens qui disent, ah mais si vous aimez tant que ça les étrangers, vous avez qu'à les faire dormir dans votre salon, c'est facile de leur dire de venir, mais ensuite personne ne les veut chez eux. Et du coup, généralement, la réponse à ça est, bah oui, effectivement, je les accueille dans mon salon. De fait, je fais ça. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un certain nombre de personnes qui le disent et d'autres qui le pensent pour se dire, en fait, il y a quelque chose d'inimaginable à se dire, on ferait venir quelqu'un chez soi. Genre, vraiment, c'est le truc que, de repoussoir, tellement ça arriverait pas. Et ça, je comprends pas trop. Moi, ça me fait penser quand même que peut-être ça. Aussi, ça amène à, bon, pas repenser entièrement, mais à reconsidérer aussi la notion de chez soi aujourd'hui. Peut-être, on peut aussi partager son chez soi, entre guillemets, alors, ça peut être par exemple, je sais pas, par la manière générale qu'on, par l'imposition, enfin, par la mise en place de règles, par exemple, ou ça peut être aussi par aménager un espace, tu vois, d'accueil. Enfin, finalement, bon, voilà, il y a des manières d'arriver à mélanger les deux, je sais pas ce que t'en penses. J'ai l'impression qu'en tout cas que la notion d'espace partagé me semble intéressante, parce que j'ai l'impression que c'est un des grands trucs qui revient tout le temps dans les projets d'habitat collectif. Mais tu sais, plus de gens qui vraiment construisent, je sais pas, 5 ou 10 maisons ensemble ou un immeuble ensemble et tout, il y a l'idée que en fait on va avoir des espaces collectifs, et ça sera important quand même pour la vie de... Et de fait, j'ai l'impression que ça crée un truc où ça brouille un peu les frontières du chez-soi. Oui, vous savez. Et voilà, ça permet aux gens de se rencontrer, mais peut-être de dissoudre un peu la notion de il y a mon chez-moi, il y a personne qui rentre. Ouais. Et de fait, quand il n'y a pas ces espaces collectifs, et on a un peu plus tendance à se dire il y a mes murs, il y a moi dedans, il y a le monde dehors. Bien sûr. C'est un des trucs qui favorise l'idée qu'on pourrait ouvrir son chez-soi. Et là, on peut-être dans une conséquence de la modernité aussi, parce que c'est vrai que dans beaucoup de religions, même traditionnelles, il y avait quand même cette idée. Enfin, par exemple, on laisse une assiette dispo toujours vide. Je sais plus dans quelle religion ça se fait, mais on laisse des cette idée d'accueillir, qui finalement on était. Là aujourd'hui, oui, c'est peut-être le pour aller dans le stéréotype, le lotissement. Bon, voilà, t'es un peu t'as ton domaine et tu laisses rentrer que les personnes autorisées, quoi. Une forme d'individualisation. Oui, voilà. Bah ouais, et puis là aussi, bon, dans la discussion, c'est vrai qu'on mélange aussi, bon, mais après c'est intéressant de le faire, mais l'hébergement de long terme et de l'hébergement de court terme, quoi. Enfin, est-ce que c'est, ouais, ça donne pas, c'est pas tout à fait une contrainte. Donc, vivre en coloc avec quelqu'un et héberger quelqu'un sur un réseau d'hospitalité, par Ça va exemple, pareil, ouais. ben, on n'est pas dans le même. Hyper content de recevoir des gens super différents. On dit oui comme ça, on se dit le pire qui peut se passer, c'est qu'on va s'emmerder ensemble pendant 2 jours. Ouais, voilà. Bon, bah ben, voilà, le premier jour on s'emmerde, le deuxième on se voit moins. Alors que, honnêtement, avant d'habiter avec quelqu'un, on le fait, tu vois, ici on habite plutôt collectif, on a cette expérience. Au moment de chacun, vraiment, on se pose des questions, on en parle entre nous et tout. Ouais, On se dit d'accord. pas, ouais, tranquille, le plus différent possible, ça va être drôle, ça va être une expérience marrante. Non, là, il faut... Forcément, on est sur d'autres critères. Mais en même temps, oui, il peut y avoir des regroupements, quoi. Bah, ne serait-ce que finalement, peut-être que dans les habitats collectifs aussi, est-ce qu'il y a une proportion plus forte à faire de l'accueil comme ça via l'accueil Possiblement. temporaire? J'ai Ça l'impression qu'il y m'étonnerait a une pas. surreprésentation quand même. Ouais, ça m'étonnerait pas. Mais bon. Tout Peut-être au c'est moins dans les moins vu, tu colocs. vois. Comme moi j'ai un intérêt pour l'habitat collectif, peut-être c'est à moi aussi que ça arrive plus. Mais j'ai l'impression que c'est surreprésenté dans les propositions d'accueil par rapport à la proportion que ça représente. Surtout les, tu sais, les habitats collectifs un peu plus alternatifs, qui sont pas juste une coloc avec 2 personnes parce qu'on est étudiant et ça coûte moins cher, 3 personnes, des colocs nombreuses, Alors une après, moi manière d'être j'ai quand même plus. un compte reçu mon coucheur film et qui avait tenté de trouver des éco-villages parce qu'il était intéressé par le concept et il n'avait pas voulu en fait finalement il n'avait pas voulu y aller parce que ou alors peut-être qu'il avait passé une journée et était reparti parce que tout était payant. Enfin, on lui demandait et oui. Enfin, donc dans ça peut aussi tu vois du coup ça peut aussi De fait, peut-être partir qu'un éco-village, ça fait pas partie du même. c'est peut-être pas tout à fait Enfin, je ouais sais pas, en tout cas, c'est dans des peut-être pas pareil géographies imaginaires, un ouais éco-village, c'est vraiment d'un côté de la ligne, et de l'autre côté, je mettrais les squats, les constructions alternatives, les lieux d'accord solidaires. C'est un imaginaire qui m'appartient, hein. Je peux pas mm-mm. vérifier. Je sais même pas ce que c'est un éco-village. Ben, c'est un village ou des pas, enfin, je peux dire une bêtise, mais un village, disons, peut-être pas un village, mais quand plusieurs personnes se Un groupement regroupent, d'habitation, en tout voilà, cas. un groupement d'habitation, et qui vont partager une visée commune, point de vue écologique, quoi. Et tu vois, ça peut être un peu, c'est un peu une forme de C'est label. très, très vaste, ouais, hein. D'accord. Ouais. Ça peut être un type de construction Hmm. écologique, Ok. mais qui n'implique pas forcément le partage, au sens d'un habitat partagé, par exemple, qui n'implique pas forcément des formes de solidarité qui serait hors du capitalisme. On peut très bien faire un éco-village avec des constructions un peu plus écologiques que les autres et des pratiques un peu plus écologiques qu'ailleurs, mais sans être sorti d'un certain nombre de principes de marchandisation de la société pour D'accord, autant. ok. Moi, bon, puis en plus, c'est un label, donc je sais pas, c'est comme quand on dit un éco-quartier, est-ce que tu as confiance dans ce label? Non. Absolument pas. Il y a peut-être des gens qui font un éco-quartier et qui ont des super visées écologiques et d'autres qui ont juste chopé le label et c'est un label. Ouais. Un éco-village industriel, quoi. Non, peut-être ça va être un acteur aussi, il y a des du soir. C'est Intéressant. Oupsi, ça va? Bon, ben voilà, fin de l'entretien in situ. Un mot de la fin. J'ai essayé de ne jamais payer d'hébergement parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai toujours eu cet esprit de société où je pense que dans le monde où l'on vit, tout est inversé et on ne devrait pas payer l'hébergement parce qu'on est tous nés sur la Terre, sur Gaïa, et voilà, ça n'appartient à personne. Donc pour moi, dormir, ça devrait être un droit, une liberté qui ne devrait pas être payante. Donc je me suis toujours efforcé à voyager sans payer l'hébergement.